Merci Mike, je prends le relais. Tiens, si tu veux me faire plaisir, toi qui aimes les années 70, peux-tu programmer dans une de tes prochaines émissions une chanson que j'aime bien, qui passe les décennies, celle de George Benson, Give Me The Night. Voilà, à toi de jouer, belle soirée, et à mercredi prochain, 19h pétante, sur Fadjet. Allez les amis, bienvenue sur Music Live, l'émission de la musique vivante et des amateurs de concerts. Cette semaine, nous recevons un invité, alors on ne le fait pas attendre, générique Monique. Music Live avec Yo sur Fadjet tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. Alors ce soir, et comme nous l'avons déjà fait, c'est un Music Live spécial, la setlist de l'invité. Une émission où nous allons pouvoir échanger avec un invité de la scène musicale locale qui va nous parler de sa musique et de son parcours et qui va nous proposer sa setlist live préférée. Et ce soir, notre invité est Charles Després. Salut Charles. Salut. Bienvenue sur Fadjet et dans Music Live. Eh ben, merci de m'avoir invité. Alors, je te propose de t'écouter tout de suite. Mm-hmm. C'est un extrait de ton album, et le titre s'appelle Charlie Stem. C'est ça, ouais. Et on attaque la discussion et l'émission. Allez, juste c'est après. Parti. Merci. Bon, alors dis-moi, on se connaît pas depuis longtemps, mais t'es connu à Nancy depuis pas mal de temps déjà, ouais. Et j'avais entendu parler de toi, et on s'est croisé assez récemment lors de ton concert à la BSG à Nancy, et puis une jeune session il y a 15 jours, c'est ça. Et j'ai adoré ta musique blues des années 40, 50, et je t'ai proposé de passer une soirée musicale dans l'émission, et tu m'as dit ok, alors te voilà. voilà, avec plaisir. Le plaisir est pour moi. Tu es donc auteur, compositeur, interprète de blues song. Es-tu originaire de Nancy? Est-ce que tu peux te présenter un peu auprès de nos auditeurs? Ouais, alors moi je viens de Saint-Avold en Moselle, le 57, la Moselle Est. Et bah dans ces coins-là, il y a beaucoup de gens qui aiment bien la musique que j'aime bien. Peut-être plus que dans la France profonde, on va dire. Et même en Meurthe-et-Moselle. Ouais, ouais. Avec le jazz qu'il y avait dans les années 80-90, c'était très réputé. C'est perdu un peu, mais dans l'Est, de la Moselle, même Forbach, tout ça, on entend encore ce genre de trucs. Ah ouais, ouais. Donc voilà, puis je suis arrivé à Nancy pour mes études. Et puis, je suis resté, voilà. Et donc, effectivement, comme tu dis, je compose mes propres morceaux. Alors après avoir fait principalement des reprises, mais je crois que dès le début, j'ai commencé à faire des groupes, c'était vers le milieu des années 90. J'avais envie aussi de faire des compos, mais j'avais pas énormément d'idées à l'époque, c'est venu au fur et à mesure. D'accord. J'ai aussi quelques infos sur toi par Angelo Ciarello, vieil ami en commun, le meilleur organisateur des soirées blues rock à Nancy, et qui sera notre invité le mois prochain. Bon, il va falloir au moins 2 heures. Angelo donc m'a dit que tu avais eu un parcours atypique en décidant de partir un jour aux États-Unis. Alors raconte-nous ça. Ouais, ben en fait j'étais en fac d'anglais, et donc c'est là que je te racontais tout à l'heure hors antenne que j'écoutais Fat Jet à l'époque. Et donc vers la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité de partir comme assistant de français aux États-Unis. Donc je suis parti dans les coins de Minneapolis, ville qui est connue notamment enfin au niveau de la musique pour des gens comme Prince, mais pas que. Et il y a une super scène musicale sur place. Et puis j'ai un petit peu rayonné, j'ai eu l'occasion de voir des vrais bluesmen authentiques que j'avais pas eu trop l'occasion de voir par ici. Et puis après, par la suite, j'y suis retourné, je suis allé dans le sud, dans le Mississippi, plus précisément à Clarksdale, qui est considéré comme, on va dire, l'épicentre du blues. D'accord. C'est de là que tout vient. Si on regarde sur une carte les noms des bluesmen, il y a effectivement un nombre incroyable qui vient de ces coins-là. Alors, Muddy Waters, il me semble, John Lee Hooker, etc. Enfin, ils viennent presque tous de la même région. Donc là, j'ai eu l'occasion d'y aller et puis de rencontrer des musiciens, d'assister notamment à leurs répétitions, etc. Donc des gens du cru, hein, vraiment des authentiques, assez peu connus. Bon, des gens comme Johnny Billington, qui d'ailleurs, dans cette ville, enseignait le blues aux gamins de manière bénévole, il me semble, après l'école, etc. Oui, il faut dire que c'est grand, les États-Unis. Hein. Ouais. Donc, il y a des artistes qu'on ne connaît pas, nous, en France, mais qui sont connus dans leur état. Voilà. Ou dans la ville, la région. Voilà. Ça représente tout de suite des centaines de milliers d'habitants, de millions d'habitants. Oui, oui. Et des fois, ça leur suffit pour gagner leur vie. Ouais. Alors, ce fameux Johnny Billington, justement, j'avais vu un reportage à la télé en France, sur le blues, je m'étais dit j'aimerais bien rencontrer ce gars, et puis je me suis dit on verra bien comment ça se passera, donc je suis parti là-bas, et puis le premier jour que j'ai mis les pieds à Clarksdale, j'ai vu un petit gamin qui passait dans la rue avec un harmonica à la main, et je lui ai demandé s'il connaissait Johnny Billington, et il m'a dit ah oui, le monsieur qui enseigne le blues, bien sûr, le local de répète est à telle adresse, etc. Et il m'a dit il va y être tout à l'heure, donc carrément j'y suis allé, et puis je me suis présenté, j'ai dit bonjour, excusez-moi de vous déranger, je viens de France, je vous ai vu dans un reportage sur le blues, et puis voilà, j'avais envie de vous rencontrer, et ils ont été super accueillants et génial. Super sympas, c'est une expérience inoubliable. Ah ouais, ça je me doutais, t'es resté combien de temps aux États-Unis alors en tout ? Alors la première fois que j'y suis allé, c'était pendant un an, quand j'étais assistant, et puis après j'y suis retourné plusieurs fois, un mois et demi, 3 semaines, 2 semaines, diverses occasions. Ok. Bon, on va passer à la musique. Mm-hmm. On va t'écouter dans une de tes compos, intitulée I Think I'm Going Crazy, et bien sûr en live, et accompagnée juste à l'harmonica par Patrick Isley. On y revient juste après. I wish that you were near. wonder what's come over me. I have lost my appetite. I just can't eat a bite. I toss and turn at night. Something just ain't right. I like the way you smile and the twinkle in your eye. The way you style your hair and those pretty clothes you wear. When you are by my side, know it feels so right. I'd love to hold you tight. Every time we get together, I wish it would last forever. Your memory seems to linger and to fuel the fever. I think I'm going crazy. Oh, else I'm losing my mind. One thing I know for sure, I gotta make you mine. Hold you, little girl. I wanna squeeze you so, and I'll never let you go. Whoa, whoa, whoa. Sense of direction. I'm in need of heavy sedation. Give me some medication. I think I'm going crazy, or else I'm losing my mind. One thing I know for sure, I gotta make you mine. I think I'm going crazy, or else I'm losing my mind. Thing I know for sure, I gotta make you mine. One thing I know for sure, I gotta make you mine. One thing I know for sure, I gotta make you mine. Et on n'oublie pas le vibrato. Alors là, on est vraiment dans la old school du blues, type Muddy Waters et tant d'autres. Ça, c'est vraiment ton style et ton groove que tu aimes depuis toujours. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je sais que tu joues en solo, en duo, en trio, que tu as aussi un band, The Midnight Creepers, qui souvent t'accompagne. Tu peux nous les présenter, nous dire comment vous êtes connus? Oui, alors, tiens, on va commencer par Patrice, qui a l'harmonica sur ce morceau-là. Donc là, on était juste deux. On avait joué ça pour une émission de télé en préparation du festival de blues de Make-Love. Make-Love Terre de Blues, qu'on salue au passage. Hein. Voilà, on a eu le plaisir d'y jouer il y a quelques années. Donc Patrice, oh bah Patrice, alors c'est pareil, ça fait très longtemps que je le connais, hein, ça fait depuis, je crois bien, milieu des années 90. Voilà, donc il jouait déjà de l'harmonica à l'époque, on a sympathisé à travers la musique. Et puis voilà, comme un jour il venait souvent nous voir quand on jouait en trio, on lui a proposé de se rajouter au groupe. Voilà. Là à la basse, et ben ça fait très longtemps que je joue avec Philippe Schwab, qui est un Toulois, qui a participé aussi à d'autres groupes. C'est pareil, on s'est connus à travers les Boeufs, les choses comme ça, et puis un jour je lui ai proposé de faire des choses ensemble, et puis il a accepté. C'était à l'occasion de la fête de la musique à Vittel en 2001. D'accord. Voilà. Et puis sinon, bon, alors là récemment, le poste de batteur est un petit peu vacant, donc là on a fait appel à quelques personnes récemment pour ouais. Tenir la batterie. Donc il y a notamment El José qui, ouais. hein, qui fait aussi du blues, alors ouais. qui est connu comme guitariste et chanteur, mais il est aussi batteur, ouais. voilà. Donc de temps en temps, il nous file un coup de main. On a aussi parfois Hervé Gilquin, ouais. Voilà. Et puis alors, il y a encore un autre larron qui vient se rajouter de temps en temps, un copain qui s'appelle Stéphane Arc, qui est pianiste aussi, pianiste, bassiste, voilà. Il se met un petit peu à la batterie aussi en ce moment, là, on s'amuse un peu avec ça. Voilà, donc il y a toute une équipe, on va dire, de copains qui fait ça dans un esprit de fun et de camaraderie. D'accord. Voilà. C'est génial. Donc bah, ça tombe nickel, on va t'écouter avec eux dans un des titres de l'album. Tu nous en parleras un petit peu plus tard, ouais. que vous avez réalisé. Et la chanson s'appelle My Feelings. Allez, let's go! Chouette morceau. Dis-moi Charles, est-ce que ouais. tu peux nous parler de ton album ? Ouais, ouais, alors bon, donc c'est un EP 4 titres. L'enregistrement a été presque fortuit, on va dire. Il s'agissait d'un enregistrement que j'ai fait pour postuler pour un festival de jazz à Nantes en 2012, D'accord. le Jazz de l'Erdre. qui était un Oui, je connais. Et ils avaient un, ils ont d'ailleurs toujours, je crois, un tremplin blues. Et puis ils voulaient un enregistrement. Et voilà, du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur faire savoir que je fais des compos. Je vais enregistrer 4 compos. Et je vais leur envoyer ça. Et au départ, c'était juste dans ce but-là. Et puis après, en les réécoutant, je me suis dit, ben, finalement, l'enregistrement est réussi. Je vais le faire presser. Je vais faire un CD. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, c'est un album qui date de quand ? 2012. Ouais. On peut encore le trouver ? Oh oui, oui, j'en ai encore un carton. Voilà, ceux qui le veulent, contactez-moi. Eh ben voilà, on rappellera toutes tes coordonnées en fin d'émission. Alors, à l'image de ce que tu viens de dire, hein, t'as déjà un beau parcours derrière toi, en ayant participé déjà à de nombreux festivals, manifestations autour du blues, dans la région et bien plus loin, puisque tu nous parlais de Nantes. Et c'est que le début. Et tout est un éternel recommencement dans la musique. Qu'est-ce que t'as de prévu qui mijote là actuellement ? Alors qui mijote, je suis un petit peu à la recherche de dates là, du fait qu'effectivement il y a une petite pause suite à un changement de musicien. Et puis surtout, j'ai plein de compos qu'il faut que je termine. J'ai plein de morceaux qui sont en chantier. Et c'est marrant parce que parfois l'inspiration ça va vite. Un morceau il peut être écrit en je vais peut-être pas dire un quart d'heure, mais enfin bon voilà. Parfois ça vient très très vite et parfois j'ai un couplet et puis je le traîne pendant des années. Et puis un jour comme ça en 5 minutes il y a la suite qui se débloque, mais c'est toujours imprévisible et souvent l'inspiration frappe au moment où c'est pas idéal, c'est-à-dire juste tu t'apprêtes à partir de chez toi et puis t'as une mélodie en tête ou un truc comme ça, tu dis qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vas t'endormir puis voilà, sur le coup, bing. exactement ah, c'est pas joyeux des fois mais qu'est-ce que c'est bien. écoute, on va t'écouter à nouveau avec une de tes compositions, personnellement celle-là je l'adore, un blues de chez Blues, My Baby Left Me, en live avec ton band au festival, justement on en parlait, Terre de Blues. On y va tout de suite. My baby Et voilà. Bon, Charles, ta responsabilité est en jeu. Ouais. Ton honneur aussi. Allez. On arrive au cœur de l'émission. Ouais. C'est-à-dire que tu vas nous présenter ta setlist, les titres qui sont pour toi des références. Et donc, comme toujours, tu nous présentes le titre, tu me fais signe, on l'envoie, je te laisse les clés du studio. Ouais. C'est à toi. Ok, alors donc c'est la petite sélection du jour, hein. Bon, ça aurait été un autre jour, ça aurait pu être d'autres morceaux, parce qu'il y a tellement de bons trucs. Là, en premier, j'ai choisi l'artiste Big John Rancher, qui est un harmoniciste qui n'avait qu'un bras, d'ailleurs suite à un accident de voiture. Et ce que j'aime dans ce titre, hein, puisque tu m'as dit d'expliquer aussi pourquoi je choisissais des morceaux en particulier, je trouve que ça c'est vraiment du blues de chez blues, c'est du vrai complètement authentique, ils sont que trois musiciens, il y a un batteur, un guitariste et lui il est à l'harmonica et au chant. Et c'est assez brut de décoffrage, pour moi c'est vraiment l'essence du blues, qui porte d'ailleurs le nom, ce morceau Maxwell Street Alley Blues. Maxwell Street, c'était une rue à Chicago où il y avait une espèce de marché, où il y avait des musiciens, il y avait toutes sortes d'attractions, etc. Et lui, il se produisait souvent à cet endroit. Et je crois que malheureusement, le quartier a été refait, plus ou moins démoli. Bon, enfin, on n'a qu'à écouter un petit peu. Thank you. Et voilà, et donc c'était Big John Rancher. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ce bonhomme. Je parlais de Clarksdale dans le Mississippi tout à l'heure. Donc lui, il a fait sa carrière à Chicago, mais il venait du Mississippi. Et certainement les environs de Clarksdale, il avait un bon ami là-bas qui s'appelait Wade Walton, que j'ai d'ailleurs croisé, rencontré. C'était un barbier de Clarksdale. Et il paraîtrait, la légende raconte que Big John Rancher est mort dans le salon du barbier Wade Walton, et que Wade Walton a conservé la dernière bouteille de whisky qu'il avait entamée sur une étagère en mémoire de son ami, donc voilà, qui avait bu un coup avec lui dans le salon de barbier. Et qui venait raconter ses tournées en Europe, et d'ailleurs tout le monde ne le croyait pas forcément, parce que bon, je sais pas. Peut-être que des gens le prenaient pour un raté, il n'était pas très connu, etc. Mais il était effectivement venu en Europe. Voilà. Alors maintenant, on va aller vers un blues complètement différent, là. Là, c'est T-Bone Walker avec un morceau instrumental qui s'appelle Strolling with Bone. Alors ça, c'est le blues de la fin des années 40, début des années 50, influencé par le jazz, le rhythm and blues. Un blues très habillé, très élégant, un peu virtuose. Voilà, donc on va écouter T-Bone Walker. Et voilà, le fantastique T-Bone Walker, qui est une véritable légende. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, il y a sa guitare qui est en vente sur le site Reverb. Elle est à quasiment 2 millions de dollars. C'est une guitare qui avait disparu dans les années 60. Elle lui a été volée pendant une tournée en France. Et elle revient à la surface aujourd'hui. On ne sait pas trop l'histoire de cette guitare. Alors, on va continuer maintenant avec un autre. Alors, je le classerai pas forcément comme bluesman parce qu'il a fait vraiment beaucoup de choses très variées, mais enfin, il est quand même fermement ancré dans le blues. Un bonhomme qui s'appelle Johnny Adams, chanteur qui vient de la Nouvelle-Orléans. pas forcément très connu non plus par chez nous, mais enfin, là c'est pareil, une anecdote sympa, il a été découvert dans les années 50 par sa voisine qui écrivait des chansons, notamment, je crois qu'elle a écrit pour Little Richard et des gens comme ça, et en fait elle l'a entendu alors qu'il chantait dans sa douche, et elle est venue frapper à la porte et elle a demandé, est-ce que c'est ici qu'il y a un gars qui chante aussi bien, et est-ce que vous avez envie de faire des enregistrements? Voilà comment sa carrière a démarré, donc là le voilà avec un morceau qui s'appelle No One. No one ever kissed me the way you do. Ever told me I love you. No one ever cared. No one ever shared all those dreams that I dreamed would come true. No one ever hurt me the way you do. Ever broke my heart in two. I'll keep on caring my whole life through, for no one, no one but you. Et voilà, donc c'était Johnny Adams avec No One. D'ailleurs, si vous avez entendu un solo de trombone dans ce morceau, eh bien, vous serez amusé de découvrir que c'est Johnny lui-même qui le faisait avec sa bouche. Il aimait bien faire des improvisations comme ça, avec son instrument qu'il appelait le mouth trombone. Voilà, alors maintenant on va passer à un autre bonhomme. Alors celui-là, vraiment très très peu connu, mais que j'adore absolument. un bonhomme qui s'appelle Zuzu Bolin. Alors, quel drôle de prénom, Zuzu. En fait, c'est un surnom. Alors, il y a fort longtemps, il existait une marque de biscuits au gingembre et il n'arrêtait pas d'en manger apparemment. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient le chercher dans les loges et il demande « Où est le Zuzu Man ?» Et donc, depuis ce jour-là, il a eu le surnom Zuzu. Alors donc là, il nous fait un morceau un petit peu dans l'esprit de T-Bone Walker qu'on a écouté tout à l'heure. Oui, c'est alors lui, il a eu une petite carrière dans les années 50, puis il a disparu des radars et il a été redécouvert par des fans dans les années 80 qui se demandaient où il était passé, s'il était vivant. Ils sont allés le chercher en voie de, disons, en grande difficulté. Et puis ils lui ont demandé de se remettre à la musique. Ils lui ont mis un groupe derrière lui et il a donc fait ce seul album de sa carrière qui a dû sortir à peu près en 89 et malheureusement il est mort juste après la sortie de l'album. Et voilà, c'était donc Zuzu Bolin avec le morceau Big Legs. Et tiens, d'ailleurs, dans ce morceau, il y a un très beau solo de guitare. Je crois bien que c'est Duke Robillard qui joue ce solo, un super guitariste de blues qui est encore parmi nous. Et d'ailleurs, ben, ce solo, ça fait partie de ceux que j'ai pris la peine d'apprendre vraiment note pour note. J'aime bien quand j'entends des trucs qui sonnent vraiment bien, comprendre comment ça marche et donc les apprendre à l'oreille. Voilà. Bon, eh bien, Charles, tu t'en es sorti comme un chef. T'es sûr que tu ne veux pas faire une émission de musicale, de blues, par exemple, sur Fadjet ? Eh bien, écoute, ça me plairait bien, mais tu sais, je fais déjà plein de trucs, alors... bon. Bon, et quel bon choix dans cette liste. Alors, c'est vrai, avec des titres et des artistes qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est vraiment, quand on pioche dans les histoires comme ça, qu'on retrouve des pépites. Oui, complètement. Voilà, dans les studios, c'est courant, mais aussi parfois dans des villes où il y a des bourses aux disques, des collecteurs, etc. Tu retrouves des trucs comme ça. Ouais. Et en France, c'est moyen. Mm-hmm. Tu vas en Allemagne, en Angleterre, alors là, c'est encore bien mieux. D'ailleurs, toute cette musique-là, ça me fait penser à une émission qui était entre les années 80 et 2000, qui s'appelait Jazz 6. avec le regretté Philippe Adler. Ah oui, c'était qui, super. Et qui filmait dans des petits globes avec des petits moyens, ah, deux caméras maximum, et où il faisait même des festivals. Ouais. Et c'était tard le soir. C'était, moi, je tombais dessus parfois par hasard. Ouais. Si j'étais debout la nuit, j'allumais la télé, ou je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mec, pas du tout l'allure Patrick Sabatier. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais un connaisseur, et moi je l'avais rencontré une fois sur Paris. C'était vraiment un type étonnant et précieux. Voilà, alors mine de rien, on se rapproche doucement, mais sûrement, de la fin de l'émission. Et oui, je sais, c'est trop court, les auditeurs, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Voilà, on fait comme ça. Et j'ai encore plein de questions à te poser. Tout d'abord, sur quel instrument matériel tu joues tes guitares, tes effets, etc. Ouais. Oh bah écoute, alors les guitares j'adore, donc j'en ai quelques-unes. La plupart du temps, je dirais celle sur laquelle je joue, la plupart du temps, elle est, c'est une guitare que je me suis assemblée moi-même en fait en achetant les pièces séparément. Comme ça j'ai toutes les caractéristiques que je veux, le manche, la forme du manche, les frettes, le corps, le bois du corps, les micros, tout. Et je traficote tout ça jusqu'à avoir vraiment ce qui me convient, voilà. D'accord. Et la voix, je t'ai entendu au concert, donc j'en sais quelque chose. Tu prends des cours ou c'était naturel? Non, j'ai jamais pris de cours de chant, mais en fait, bah, c'est comme beaucoup de choses, je m'y suis un petit peu mis par hasard. J'aurais bien voulu avoir un chanteur, mais j'en avais pas, alors je me suis dit, bon, bah, écoute, tant qu'à faire, je vais essayer de le faire moi-même. Et puis je me rappelle qu'au début, bah, je trouvais que c'était vachement dur de synchroniser la guitare et le chant, faire deux trucs en même temps, et puis après, à force de le faire, on s'y fait. C'est un sacré exercice. Mais ouais, comme tu dis... Avec le temps, quand on en veut, on y arrive. Bon, tu nous as dit donc que tu avais quelques dates et que tu étais en recherche d'autres dates, donc pour notamment cet été. Tu vas quand même pas nous quitter sans nous donner tous les endroits où on peut te retrouver sur le net. Sur le net, oui. Bon, alors j'ai ma chaîne YouTube, Charles Després, où il y a de la musique live, mais aussi des trucs bah, liés au matériel. Justement, tu parlais des guitares, etc., ou les harmonicas, les amplis. Voilà, parce que je trafique un petit peu tout ça. Et puis, bon, YouTube, Facebook, il y a la page Charles Després and the Midnight Creepers. Voilà. Et pour le mini-album que tu avais fait, si les gens veulent se renseigner, ils t'écrivent par un de ces moyens, les réseaux sociaux, oui, ils te contactent. Oui, n'hésitez voilà. pas, voilà. Tiens, et puis il y a une autre petite formation, là, le mini-blues band aussi, avec une amie. Alors, bah, regardez sur Facebook le mini-blues band, vous serez surpris. Je vous en dis pas plus, tiens. D'accord, eh ben, on va y aller, on va regarder ça avec passion. Bah écoute, c'est déjà l'heure de la fin de notre émission. Charles, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu à Fadjet et pour surtout la qualité de ton intervention. C'est eh ben merci à toi pour l'invitation, c'était une super idée, ça m'a fait plaisir de venir. Alors mesdames, messieurs, qui êtes derrière votre autoradio, si vous êtes sur la route et vous faites une pause, derrière votre ordi ou tranquille sur le canap, je vous demande d'applaudir monsieur Charles Després et de vite aller le voir en concert. On va se quitter sur un dernier morceau live, encore une compo perso, enregistré en février dernier à la BSG et que nous avons déjà diffusé sur le groupe Facebook Music Live by Yo on Fadjet, où vous avez toutes les actus et dans l'émission du mois dernier. Et ce titre s'intitule Bad Vibes. Encore merci Charles. Merci. Et de ta venue et à très bientôt. À et la nous prochaine. Les amis, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit pour un nouveau Music Live. Le podcast arrive très vite sur Fadjet.net, rubrique podcast passe. Music Live. Bonne soirée sur Fadjet avec la Mise Z et son parfum d'étoile, juste après le carillon de 21h. Et n'oubliez pas, allez au concert, écoutez de la musique vivante. Charles Després, Bad Vibes, ciao! We'll be right back. something I perceive.